avec trop goûté, je veux plus supporter de voir ma vie se consumer. Je me nie tes souffres, transporteur de mes démences, finis ma désenvance. Ma vie est mienne, libère mes chaînes. Tu ne hantes plus mes rêves. Serait-ce un semblant de bonheur? Keep it in.